Chapitre 75. Pardonner et se détourner de l'ignorant. Allah Ta'ala dit: accepte ce qu'on t'offre de raisonnable, commande ce qui est convenable et éloigne-toi des ignorants. Sourate 7, verset 199. Pardonne-leur donc d'un beau pardon. Sourate 15, verset 85. Qu'ils pardonnent et absolvent. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Et Allah est clément et miséricordieux. Sourate 24, verset 22. Et pardonne ta autrui, car Allah aime les bienfaisants. Sourate 3, verset 134. Et celui qui endure et pardonne, cela en vérité fait partie des bonnes dispositions et de la résolution dans les affaires. Sourate 42, verset 43. Les versets concernant ce chapitre sont nombreux et bien connus. 643. Aïcha rapporte avoir dit au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, « As-tu connu un jour plus difficile que celui de la bataille d'Uhud ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, « Ton peuple m'a vraiment fait souffrir. » Et en particulier le jour d'Al-Aqaba, lorsque j'ai demandé protection à Ibn Abd Yalil, Ibn Abd Kulal, mais qu'il a rejeté ma requête. Je suis reparti, accablé. Lorsque je me suis remis de mes émotions, j'étais à Qarn al-Tha'alib. Je levai la tête et vis alors un nuage dont l'ombre me couvrait. Je regardai dans sa direction et y vis Jibril, Gabriel, alayhi salam. Il m'appela et me dit, Allah Ta'ala a entendu la réponse que ton peuple t'a donnée, et il t'a envoyé l'ange des montagnes qui attend tes ordres les concernant. L'ange des montagnes m'appela en effet, me salua puis me dit, ô Muhammad, Allah Ta'ala a entendu la réponse de ton peuple, et je suis l'ange des montagnes qu'Allah t'envoie pour répondre à ton ordre. Que veux-tu donc? Si tu le souhaites, je les écrase entre les deux montagnes qui entourent la Mecque. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, dit, j'espère plutôt qu'Allah leur donnera une descendance qui adorera Allah seul, sans rien lui associer dans son adoration. Al-Bukhari et Muslim. 644. D'après Aïcha, radiyallahu anha, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, n'a jamais rien frappé ni personne de la main, ni femme, ni domestique, sauf au djihad. De même, il ne s'est jamais vengé d'un tort subi, sauf si les limites sacrées d'Allah Ta'ala étaient transgressées, auquel cas il se vengeait pour Allah Ta'ala. Muslim. 645. Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, rapporte. Je marchais avec le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Il portait un manteau en laine de Najran à gros ourlets. Soudain, un bédouin vint à sa hauteur et le tira si violemment par le col de son vêtement que je vis au niveau du cou du prophète sallallahu alayhi wa sallam la trace laissée par l'encolure. Puis le bédouin dit, « Ô Muhammad, ordonne qu'on me donne des biens d'Allah que tu détiens. » Le prophète alayhi salatu wa sallam se tourna vers lui, en souriant, puis ordonna qu'on lui donne quelques biens. Al-Bukhari et Muslim. 646. Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, a dit « C'est comme si je voyais le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, en train de parler d'un des prophètes frappé par son peuple jusqu'au sang et qui, tout en essuyant le sang de son visage, disait « Ô Allah, pardonne à mon peuple, car il ne sait pas ce qu'il fait. » Al-Bukhari et Muslim. 647. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Le fort n'est pas celui qui sait se battre, mais celui qui sait dominer sa colère. » Al-Bukhari et Muslim.